lundi 29 octobre, de Babel à la Pentecôte. Ces jours de préparation spirituelle suite à l'ascension de Jésus aboutirent aux événements de la Pentecôte. Le premier verset nous dit que ce jour-là, avant que le Saint-Esprit ne soit déversé sur les disciples, ils étaient tous ensemble, d'un même accord, au même endroit. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était la deuxième des trois fêtes majeures à laquelle tout homme israélite était tenu d'assister. Elle avait lieu 50 jours après la Pâque. Lors de cette fête, les Hébreux présentaient à Dieu les prémices de leur récolte d'été comme offrande d'action de grâce. Il est également probable que du temps de Jésus, la fête de la Pentecôte comprenait également une célébration du don de la loi au mont Sinaï. Ainsi, nous voyons l'importance perpétuelle de la loi de Dieu comme partie intégrante du message chrétien sur Jésus dont la mort offre à tous ceux qui se repentent le pardon pour leur transgression de la loi de Dieu. Pas étonnant que l'un des textes cruciaux concernant les derniers jours concerne à la fois la loi et l'évangile. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En outre, au mont Sinaï, quand Moïse a reçu les 10 commandements, de nombreux phénomènes extraordinaires se sont produits lors de cette Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Lisez Actes 2, les versets 5 à 13. Quelle est la signification de cet événement extraordinaire? La Pentecôte devait être une fête joyeuse, une fête d'action de grâce pour le Seigneur afin de le remercier de sa générosité. D'où peut-être l'accusation d'ivresse. La puissance de Dieu est particulièrement visible dans le miracle des diverses langues. Des Juifs de tout l'Empire romain venus à Jérusalem pour cette fête entendirent le message de Jésus, le Messie, dans leur propre langue. De manière unique, la Pentecôte contribue à renverser la dispersion de la famille humaine d'origine et la formation de groupes ethniques qui avaient commencé de manière notable à la tour de Babel. Le miracle de la grâce initie la réunion de la famille humaine. L'unité de l'Église de Dieu à grande échelle témoigne de la nature de son royaume qui vise à restaurer ce qui a été perdu à Babel.